Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui a pris le troisième rang la semaine dernière, semaine dernière lors d'une compétition qui se déroulait à l'Iowa. Le pilote de Saint-Jean-d'Arc, on sait, compétitionne dans la catégorie pro. Pourtant, vendredi, ça avait été un petit peu moins bien pour Tim Tremblay. Il avait fait une remontée, il était rendu à 4 tours de la fin et un bris mécanique l'a poussé à abandonner la course. Donc, il reste seulement qu'une course et c'est en fin de semaine que Tim Tremblay va disputer. C'est au Wisconsin. Parlons maintenant du côté des Saguenay-Chicoutimi. Ils ont perdu hier contre les Remparts de Québec par le compte de 5-2. Kevin Klima a compté un but et a amassé une passe. Il y a Samuel Mazenhaier qui a complété le pointage pour les Saguenayens. Selon Louis Tremblay du Journal Le Quotidien, le Centre Georges Vézina sera encore bon pour plusieurs années, selon une étude qui a été réalisée plus tôt cette semaine à l'Université du Québec à Chicoutimi. L'utilisation en 1949 du Dominion Bridge, d'un matériau plus robuste, change les calculs de résistance et serait effectivement plus solide. La fermeture récente du Centre Georges Vézina avait été basée sur l'étude de 2013. Jusqu'à maintenant, la ville aurait dépensé 500 000 $ pour rendre le Centre Georges Vézina sécuritaire jusqu'en 2024. Si jamais on décide de garder le Centre Georges Vézina, ben les contribuables de Saguenay pourraient économiser 20 millions de $. Maintenant, on va parler de la série entre les Sabres de Roberval et les Marquis de Jonquière. On sait que les Marquis mènent 2-0. Hier, sur les ondes de Radiosport.com, l'instructeur-chef des Sabres, Sébastien Gay, a parlé des deux premiers matchs entre les Marquis et les Sabres. Et selon lui, ben, ça a été quand même assez difficile. Oui, c'est sûr qu'en affrontant les Marquis, on s'attendait que ça soit pas facile. Pour le match de 6-2, jeudi soir, on menait 2-1 après une période. Et on manquait un petit peu d'effectifs, je vais pas mettre ça la faute là, seulement juste sur ça. Mais en plus, on venait de sortir d'une grosse série contre les Adelons, je m'attendais pas de miracle pour jeudi soir. Là. Tout ce que je voulais, c'est que les gars travaillent fort, puis que, en espérant remporter la victoire, mais on sait qu'un 4-7, ça peut quand même être assez long. Fait que, pas dramatisé après la... Dans un deuxième temps, Sébastien Gay n'a pas l'intention du tout de lâcher dans cette série. Ouais, le moral des troupes est quand même bon. Là. Aujourd'hui, là, on pratique à soir là, à 7h30 là, à Roberval. On va pouvoir rencontrer toutes les personnes. C'est sûr que moi, me connaissant, j'abandonnerai pas peu importe ce qui arrive. Peu importe avec l'alignement qu'on va avoir jeudi soir, on va être là pour se présenter à Jonquière. Puis moi, c'est sûr que le mot d'ordre, ça va être aux gars, ça va être de continuer à travailler fort. Puis il arrivera ce qui arrivera. Oui, on a certains bobos, des joueurs qui sont pas en uniforme à cause de blessures contre Alma. Des joueurs qui jouent blessés également, qui ne peuvent pas le donner le 100%. Et ça, ça fait partie des séries. Puis partout où ce qu'on voit ça, ben, je veux dire, les blessures, ça fait partie de la game. Sébastien Gay mentionne que dans cette série, c'est l'opportuniste qui a fait la différence. Les Marquis ont été beaucoup plus opportunistes. On manque un petit peu d'opportunisme en offensive, là, mais comparé à Jonquière, que quand ils ont une chance de marquer, ben, et en mettre 70% du temps dedans. Là. Il s'agit d'éviter les revirements, comme je parlais la semaine passée, puis les erreurs mentales. Là. OK. On termine avec Pierre-Alexandre Bédard, qui a joué hier plus 3 et a ramené une carte de 75 qui lui donne la 10e position lors d'un tournoi de golf qui se déroule en Floride. Ça se termine aujourd'hui. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Joe Hardy où on fait le tour de la Ligue nationale de hockey. Également, Alexandre Gauthier vient nous parler des mises sous contrat dans la NFL, dans le marché des joueurs autonomes. Et vous pouvez également écouter les autres entrevues, dont une avec Sébastien Gay des Sabres de Roberval. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.